Travaillez tout l'été, vous n'avez pas les moyens de partir en vacances et pour vous, la plage est un idéal inaccessible. Retrouvez l'odeur des vacances au travail avec la collection « Les plus beaux sons de vagues » en CD musical. Bali, Maldives, Seychelles, Bora Bora, avec la collection « Les plus beaux sons de vagues » en CD musical, c'est l'assurance de passer un été au bureau détendu et reposant. Le premier numéro, la plage de Fukushima et son sachet d'échantillons de sable fluorescent au prix exceptionnel de 9,99€ chez votre marchand de journaux. Les plus beaux sons de vagues en CD musical, une collection aïe aïe aïe. Ça va pas la tête ?